Salut, c'est Mike L'Écuyer pour l'émission Blues Covers. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. She do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, my baby. Ma Babe, interprétée par Little Walter, mais c'est une composition de Willie Dixon. Ce tube, eh oui, c'en est un, a été enregistré en 1955. Pourquoi je dis c'est un tube? C'est parce qu'il a été numéro 1 au Billboard Rhythm and Blues et c'est le deuxième numéro 1 de Little Walter. Le premier, ça a été un instrumental juke au début des années 50. Alors, Little Walter, qui c'est-il que ce gars? Ben, c'est un chanteur, mais c'est surtout un harmoniciste. Il a été l'harmoniciste, le harmoniciste de Muddy Waters. Entre 1948 et 1952 à peu près, dans son orchestre. Et ensuite, il a continué à enregistrer les disques de Muddy Waters, même s'il ne faisait plus partie de l'orchestre. Donc, ce My Babe est un des grands classiques du blues, repris par de nombreux groupes à travers le monde. On va faire un petit tour d'horizon avec quelques groupes français. On va commencer avec le groupe Kilimanjaro, un groupe de Nancy qui n'existe plus, je pense, car il a enregistré deux albums en 1995 et 1998. Et c'est sur le premier disque, en 1995, qu'ils reprennent My Babe avec au chant et à la guitare Abraham Yameogo. Kilimanjaro en 1995. Don't stand no cheating, my baby. Oh yes, she don't stand no cheating, baby. Oh yes, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little lover, my baby. No, my baby, I know she love me, my baby. Oh yeah, I know she love me, baby. Oh Oh yeah, I know she loves me. She don't do nothing but a kiss and a hug me, my baby. Too little baby, my baby. Don't stand no fooling, baby. Oh no, she don't stand no fooling, baby. Oh no, she don't stand no fooling. But when she's caught, there ain't no pulling out of my babe. Too little lover, my babe. Now, my babe, don't stand no drunk man, baby. Oh no, she don't stand no drunk man, my babe. Oh no, she don't stand no drunk man. But everything she do, you know she do so pretty, out of my babe. Too little baby, my baby. My baby, she my baby, baby, and I love her. My baby, and everything she do, you know she do so pretty, and I need her. My baby, baby, baby, baby, my baby, and yeah, I love her. My baby, yeah, and I need her. My baby, come on, baby, come on, baby. My baby, yes, I need her, baby. My baby, you gotta get me early in the morning, my baby, and not late at night. My baby, my baby, my baby, my baby. Après cette version torride et funky de Kilimanjaro en 1995, voici une version beaucoup plus soft, beaucoup plus douce. Sophie Borgeau en 2007, une version jazz, blues, cool. On l'avait déjà entendue pour sa reprise de Baby Please Don't Go, et puis on la réentendra aussi certainement, car son album est truffé de belles et magnifiques reprises. Sophie Borgeau en 2007, My Babe. Stand no cheating, my baby. Oh no, he don't stand no cheating, my babe. Oh no, he don't stand no cheating. He don't stand none of that midnight creeping, my babe. Truly, the baby is my babe. C'était Sophie Borgeau. Maintenant, nous allons du côté de Angers-Cholet, c'est-à-dire le Maine-et-Loire, avec le groupe The Joss, qui s'appelait en 2011 Mr. Joss Blues Band. Ouais, leur premier disque, paru en 2011 sous ce nom, comporte une version fort sympathique de My Babe. Cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of the midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my babe. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kissing her and me, my babe. True little baby, my babe. Thank you. thing she do so pleasing. My baby, true little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. She's hot, that ain't no cooling, my baby. True little baby, my baby. The midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. She's my baby. C'était Mr. Joss Blues Band, qui maintenant se nomme The Joss. On va aller maintenant du côté de Clermont-Ferrand avec Mellow Blues Duo. Mellow Blues Duo, c'est un duo évidemment, composé de Renaud Villet, guitare, chant et footstomp, et David Paquet à l'harmonica. Et puis, Renaud Villet, c'est un musicien qui a pas mal bourlingué et qui a eu pas mal d'expérience dans beaucoup de groupes. Hein. Il a joué en électrique avec Baco Mikaelian à l'harmonica. Il a joué en one-man band sous le nom de Riverside avec un foot drum assez magnifique. Je crois qu'il était le seul en France à l'utiliser. Si vous cherchez sur Internet des photos de Riverside, vous verrez à ses pieds une machine, enfin une batterie, mais très très belle, en bois et transparente. Alors Riverside, si vous voulez chercher sur Internet, ça s'écrit R-I-V-H-E-R-S-I-D-E. Mais maintenant, c'est sous le duo Mellow Blues Duo qu'il joue. Et cette version de My Babe date de 2011 sur leur deuxième album, Mellow Blues Duo. She don't afraid of quit being my baby. Until the baby and my baby. My baby, I know she'll love me, my baby. Oh yeah, I know she'll love me, my baby. Oh yeah, I know she'll love me. She don't do nothing, kiss and hug me, my baby. Silly baby and my baby. My baby, don't stand no chitty in my baby. Oh no, she don't stand no chitty in my baby. Oh no, she don't stand chitty. Else what she do so crazy in my baby. Chilly baby in my baby. My baby, don't stand no free in my baby. Oh yeah, she don't stand no. When she's out of hate, I'm good in my baby, Julie baby and my baby. Mellow Blues Duo. Et nous allons terminer ce Blues Covers consacré à My Babe, créé par Little Walter et composé par Willie Dixon, avec le fantastique groupe Blues Power Band, une version live de 2010, extrait de leur CD et DVD Where the Action Is, enregistré au New Morning. Blues Power Band, c'est Banish. Lead vocal, Paco, guitare et vocal, Papy Gratteux, guitare et vocal, Nicolas, basse guitare, Batus, drums et Damien au keyboards. Blues Power Band, My Babe, bye bye et à la prochaine! Home to me. My baby, she's gotta be. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.